Louis-Man. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grandes articulations de ce journal. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que les cartes d'identité biométriques seront disponibles avant les élections de 2027. Mais les politiques doutent du respect de cette promesse qui n'est d'ailleurs pas la première du genre. Vous entendrez le président du parti UPRONA et le secrétaire général en même temps porte-parole de la coalition, Urundi Bwabose. Les 20 000 réfugiés congolais installés dans les communes de Rugombo et Buganda dans la province de Cibitoke manquent de tout presque, comme a pu le constater notre correspondant. Reportage à suivre. La production des cultures d'exportation comme le café, le coton et le thé a chuté de moitié durant l'exercice 2023-2024 comparé à l'exercice précédent, selon un rapport de la BRB, la Banque de la République du Burundi, présenté ce mercredi par la Commission permanente des finances à l'Assemblée nationale. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le président de la République a nommé Samuel Ndayisenga, directeur général de la Société pétrolière du Burundi, en remplacement d'Innocent Girukwishaka. Et après les élections de certains membres de la CVR par l'Assemblée nationale dans sa séance plénière du 13 février dernier, le président de la République a nommé par décret le vice-président de la Commission Vérité et Réconciliation en la personne de Mgr Aimé Joseph Kimararungu et Vianney Ndikumana comme membre de la CVR. Je vous l'avais dit dans les titres, certains députés réclament des éclaircissements sur la mise en œuvre du projet de carte d'identité biométrique. Lors de l'analyse et adoption de la nouvelle loi portant réforme de la fiscalité communale au Burundi ce mardi, Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, a déclaré qu'ils font tout maintenant pour garantir que la dite carte soit disponible avant les élections de 2027. Clovis Niyonkuru. Certains députés affirment qu'un projet d'utilisation d'une carte d'identité biométrique a été évoqué depuis longtemps, mais qui n'a pas encore été mis en œuvre. Honorable Pamphile Malaika réclame des éclaircissements sur ce retard. La question concernant la carte d'identité biométrique, je voudrais demander au ministre qu'il tranquillise que cette carte sera bientôt disponible pour être utilisée dans les présidentielles de 2027. Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, a déclaré qu'après avoir discuté de la question au sein du gouvernement, ils ont estimé qu'il fallait commencer par le code de personnes et de la famille, car c'est là que le décret s'applique. Il dit qu'il faut le tout possible pour que cette carte soit disponible avant les élections de 2027. Je voudrais vous informer qu'au sein du gouvernement, nous avons déjà discuté sur cette question de la carte d'identité biométrique. J'avais présenté le décret portant protection des données biométriques dans le Conseil des ministres et nous avons trouvé l'impératif que nous devions commencer par le code des personnes et de la famille, car il s'applique suivant celui-là. Ça ne veut pas dire que je donne un délai. Si possible, la carte d'identité biométrique sera disponible avant les élections de 2027, car il n'y a pas de difficulté dans la mise en place des codes et des lois du moment que les parlementaires et le gouvernement sont à l'œuvre. Selon son ministre de l'Intérieur, le prix de la carte d'identité biométrique pourra être fixé entre 2700 et 2800 francs burundais. Et sur cette question des cartes d'identité biométrique, le président du parti UPRONA ne cache pas son scepticisme quant au respect du rendez-vous donné pour leur disponibilisation avant les élections de 2027. Olivier Nkurunziza demande au ministre de l'Intérieur d'en faire une priorité car, selon lui, les cartes biométriques sont très importantes pour la transparence et la crédibilité des élections. Suivez-le. Au niveau du parti UPRONA, d'abord rappelons les Burundais que le ministre de l'Intérieur, bien avant en 2025, il avait annoncé avant que la population burundaise participera dans les élections de 2025 ayant déjà eu les cartes d'identité. Mais à notre grande surprise, on n'en a pas eu parce qu'il disait que suite à des problèmes techniques, mais aussi les gens qui devraient délivrer ces cartes d'identité ont donné cette carte à un prix exorbitant. Mais ce que nous demandons, effectivement, quand il donne l'espoir aux représentants du peuple, que en 2027, on aura cette carte d'identité, pour nous, au niveau du parti Prona, nous saluons cette mesure parce que ça va aider à participer dans les élections, parce que la carte d'identité biométrique facilite la transparence, parce qu'il y a des fraudes quand on utilise les cartes d'identité que nous avons aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas burundais peuvent les utiliser. Mais aussi, vous savez que dans la sous-région et surtout dans l'Afrique de l'Est, c'est le Burundi qui reste, qui n'a pas encore commencé à utiliser. Et ces cartes, certains pays les utilisent comme les laissez-passer en Tanzanie, plutôt Rwanda, Ouganda, mais aussi le Kenya. Et c'est très important. Pour nous, alors, nous attendons. On verra si cette promesse sera honorée. Si ça sera honoré, ça sera effectivement très important pour les Burundais qui vont participer dans les élections. Et selon la coalition Burundi-Bugabo, c'est en se basant sur la situation actuelle de l'économie et la coopération économique avec le partenaire, les inquiétudes ne peuvent pas manquer à propos du respect du délai annoncé à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Intérieur. Mais Kefani Wizi, porte-parole de la dite coalition, demande au ministre Martin Niteretse d'user de tous les moyens pour que cette carte soit prête pour les prochaines élections. On l'écoute. Ce n'est pas la première fois qu'une telle promesse est donnée. On avait promis que cette carte serait utilisée aux élections de 2020, aux élections de 2025, mais ça n'a pas eu lieu et les causes ne sont jamais clairement communiquées. Bon, peut-être qu'il s'agit d'un manque de moyens pour confectionner cette carte parce qu'elle est très chère. Peut-être aussi que c'est une façon de ne pas consacrer des élections crédibles, libres et transparentes parce que la carte biométrique permet des élections libres dans le sens qu'on ne pourrait pas voter plusieurs fois, mais aussi c'est une carte qui peut permettre de connaître le casier judiciaire et d'autres données concernant chaque personne. C'est une carte donc qui est très importante pour le suivi quotidien de la population. C'est pour cette raison qu'on aimerait qu'on fasse vite pour que cette carte soit disponible parce que c'est une carte qui indique même le degré de développement d'un pays. Et soit il faut que le pays investisse ses propres moyens ou cherche de l'acheter les partenaires techniques et financiers qui peuvent contribuer. Mais nous gardons des inquiétudes au vu de la santé économique de notre pays et de coopération économique du Burundi avec ses partenaires. Des inquiétudes ne peuvent pas manquer, mais quand il parviendrait à confectionner cette carte biométrique, ce serait un pas en avant. C'était Kifa Niwizi, il est secrétaire général et porte-parole de la coalition Burundi-Bugabose. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Une aide $1,500,000 américains a été octroyée ce jeudi par le Japon à la représentation du HCR au Burundi via le projet de protection et d'assistance aux rapatriés burundais. Ndaye Pendandia, administrative chargée de la réintégration, fait savoir que ce projet sera exécuté pendant une période de 10 mois à partir de mars prochain en faveur des rapatriés burundais. Le projet de protection et d'assistance des rapatriés burundais, c'est un projet qui est financé par le gouvernement du Japon. Actuellement, nous avons plus de 254 000 rapatriés burundais qui sont rentrés de 2017 à nos jours et environ près de 283 000 réfugiés burundais qui sont dans les pays d'asile. 254 000 qui sont au niveau des zones de retour ici au Burundi et un peu plus de la moitié, à savoir 283 000 qui sont encore dans les pays d'asile. Ce qui fait que ce projet vient à point nommé. Comme vous le savez, les besoins sont énormes dans différents secteurs. En 2024, 20 081 réfugiés burundais sont revenus, majoritairement de la République de Tanzanie. Et en 2025, nous prévoyons de recevoir 55 401 réfugiés supplémentaires. Donc, ce sont nos prévisions. Et l'objectif de ce projet, qui est financé par le gouvernement du Japon, vise à faciliter le rapatriement volontaire des réfugiés établis dans les pays d'asile, un rapatriement sûr et digne des réfugiés qui rentrent tout en leur assurant une assistance humanitaire qui démarre avec le transport depuis les localités où ils sont basés au niveau des pays d'asile, transiter au niveau des centres de transit ici au Burundi jusqu'à leur localité d'origine où nous espérons qu'ils vont s'installer durablement. Le projet va durer 10 mois, de mars à décembre 2025 et d'un montant $1,5 million. Plus de 20 000 réfugiés congolais qui se sont déjà installés dans les communes de Rugombo et Ouganda dans la province de Cibitoke vivent dans des conditions précaires. Notre correspondant a pu constater ce mercredi qu'ils n'ont ni nourriture ni logement et n'ont aucun accès aux installations sanitaires. Il lance un appel aux bienfaiteurs pour leur venir en aide car ils ont fui sans rien emporter. L'association RSF Nyonganira leur a fourni un peu de nourriture, des tentes pour les enfants et les femmes enceintes. Un reportage de Jackson Bahati, lu par Lydie Gahimbari. Ce sont quelques-uns des réfugiés congolais installés dans les communes Gombo et Uganda de la province Cibitoke, là où la radio TV Sanganiro les a rencontrés ce mercredi. Accablés par la chaleur, certains tentent de se protéger sous des petits abris faits des restes des tentes. Ces femmes racontent qu'elles vivent dans des conditions très difficiles. Elles témoignent qu'elles sont arrivées au Burundi depuis vendredi dernier et qu'elles n'ont reçu ni nourriture ni abri depuis lors. Bien que ces réfugiés ne disposent aucune nourriture sur place, ils pensent encore aux biens qu'ils ont laissés derrière eux en République démocratique du Congo, n'ayant pas eu la possibilité d'emporter quoi que ce soit lors de leur fuite, ont même perdu leurs enfants. Ces réfugiés lancent un appel aux bienfaiteurs pour leur fournir des produits de première nécessité et des médicaments. Zébilan Kudogimana, membre d'organisation humanitaire Nyonganira, s'est forcé ce mercredi de distribuer des vivres aux enfants et aux femmes enceintes. Les membres de cette organisation avaient déjà fourni 5 tonnes de haricots et de maïs ainsi que 120 tentes. Ces membres de cette organisation lancent un appel à toute personne de bonne volonté et d'autres organisations à venir en aide à ces réfugiés. Lydie Gahimbare, on reste dans la province de Cibitoke où les cas de grossesse en milieu scolaire ont diminué, passant de 41 cas l'année scolaire 2022-2023 à 30 pour l'année scolaire 2023-2024. Joseph Nyandwi, directeur provincial de l'éducation, souligne l'implication des tantes et oncles installés sur les écoles dans la sensibilisation des élèves. Mais certains parents de la province Cibitoke affirment que ce phénomène de grossesse non désirée en milieu scolaire persiste encore dans leur localité suite à la pauvreté dans les familles. On fait le point avec Sheila Irambona. Comme l'explique Nyandu Joseph, le directeur provincial de l'éducation dans la province Cibitoke, les chiffres démontrent que des cas de grossesse en milieu scolaire sont en train de diminuer de l'année scolaire 2022-2023 où ils ont dénombré 41 cas et que pour l'année passée, ils avaient 30 cas et d'avancer que pour cette année scolaire, ils espèrent que ce phénomène va encore diminuer. Selon lui, le système de tente et père instauré sur ces écoles fait ses preuves ces dernières sensibilise les élèves à changer de comportement. Avec la structure des tantes et pères des écoles, nous leur demandons de tenir des réunions chaque mois sans attendre que l'un ou l'autre les représente un cas. Ils enseignent qu'ils essaient de susciter auprès des élèves les différents problèmes, pas seulement liés aux grossesses non désirées, mais aussi à d'autres problèmes particuliers. Même s'il affirme cela, les parents de cette province pensent que tant que la pauvreté règne toujours dans les ménages, ces cas vont toujours se manifester. Selon eux, on devrait tout d'abord résoudre ce problème. Le phénomène s'observe de façon exponentielle ici chez nous. Sur presque toutes les écoles, une année ne peut s'écouler sans que cela se passe. L'éducation des enfants va en décrescendo. Nos filles sont engrossées par des chauffeurs en leur donnant des téléphones. Les garçons qui ont quitté le banc de l'école peuvent aussi les tromper, comme quoi ils ont de l'argent à leur donner. Au moment où ces cas de grossesse s'observent, l'une des tantes de l'école fondamentale Rugombo 2, hors micro, a suggéré comme solution que le gouvernement devrait envisager comment distribuer des serviettes hygiéniques à toutes les élèves indigents pour éviter que ces élèves cherchent comment s'arranger en cas de menstruation. Certains députés se disent préoccupés par la chute de la production des cultures d'exportation comme le café, le coton et le thé alors qu'elles génèrent des devises pour le pays. Ils se réfèrent notamment à la production du café parche ayant passé de près de 23 000 tonnes pour l'exercice 2022-2023 à près de 11 000 tonnes pour l'exercice 2023-2024. Cela ressort du rapport de la Banque de la République du Burundi, exercice 2023, présenté par la Commission permanente des finances à l'Assemblée nationale. Ce mercredi, ces députés estiment que la croissance de l'économie nationale ne peut pas être réalisable alors que la production issue de ces cultures ne fait que régresser. On fait le point avec Claude Itangishak. Présentant le rapport des réalisations de la Banque de la République du Burundi, comptable pour l'exercice 2023, le président de la Commission permanente en charge des finances à l'Assemblée nationale a fait savoir que la production des principales cultures d'exportation, notamment le café, le thé et le coton, affiche une tendance à la baisse alors qu'elle constitue les ressources de devises. Ce que nous pouvons dire à ce chapitre, le rendement du café a connu une baisse. Malgré cette baisse, nous avons constaté qu'il y avait eu d'augmentation des devises en provenance de ce secteur par rapport à l'année précédente. Car quand nous exportons du café, ça nous procure des devises de différentes sortes, ce qui a fait que la monnaie burundaise ait encore plus de valeur. En outre, le député Jean-Pierre Sinzinghayo note un relâchement des agriculteurs qui n'hésitent plus à utiliser des fertilisants destinés pour ces cultures d'export pour d'autres cultures. Prenons l'exemple du café et du thé. Nous entendons des lamentations des caféiculteurs et des théiculteurs face à un prix inférieur fixé pour le kilo. Cela a causé un relâchement aux agriculteurs au point qu'ils n'hésitent pas à utiliser les fertilisants destinés à ces cultures d'exportation pour d'autres cultures vivrières. Face à ces inquiétudes, les députés estiment que l'augmentation de la production, plus particulièrement pour ces cultures industrielles, reste le moyen le plus sûr de faire face à l'inflation et à la dévaluation de la monnaie burundaise. En actualité internationale, en bref, le célèbre réalisateur malien Souleymane Cissé, l'un des pères du cinéma sur le continent africain, s'est éteint ce mercredi 19 février à Bamako. C'est ce qu'a annoncé sa fille à l'agence France Presse. Il était âgé de 84 ans. Souleymane Cissé, décédé dans une clinique de Bamako, aurait dû présider le jury fiction long métrage lors de la 29e édition du FESPACO qui doit se tenir à partir du 22 février à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Alors qu'il devait comparaître devant le tribunal civil mercredi, l'opposant ougandais Kizza Besigye, quatre fois candidat à la présidence, n'a fait qu'une brève apparition avant qu'un juge ne le déclare trop malade pour suivre la procédure. Les avocats de l'opposant tentaient d'obtenir sa liberté alors qu'il est détenu dans une prison de haute sécurité de la capitale Kampala, vers laquelle il a été reconduit. Et en Iran, au moins 975 personnes ont été exécutées en 2024. Une escalade effroyable du recours à la peine de mort comme moyen de répression politique par la République islamique, dénonce un rapport publié ce jeudi 20 février par deux ONG. Ce chiffre extrêmement choquant, le plus élevé depuis que ce recensement a commencé en 2008, marque une augmentation de 17% par rapport à 2023, selon l'organisation iranienne Iran Human Rights, basée en Norvège, et l'ONG française Ensemble contre la peine de mort. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.